peu importe, peu importe. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ok, ok, ok. C'est un authentique assoi, frère. Je te parlerai pas de garde à vue, c'est peine perdue. Si tu veux me classer dans ton rap de rue, ok, c'est rude. Depuis petite, la vie, j'encaisse les couches, rap solide. Mais putain, merde, les gens cassent les couilles. Ça parle du coup, ben voici le coup de gueule du loup. Sorti de la cambrousse, c'est simple, si t'aimes pas, tu bouges. Ferme ta bouche, gâche, vois rouge, viens mettre les bouchées doubles. Cachez-vous, mes rimes, engagez-vous. Blesse à tous les coups, tu crois que je suis faux, et toi t'es fou. Un conseil dégage, le loup à la rage, les gros graves, brave, le beat. Car quand je fais ça, la rage, hein. Tu te souviens? Ah ouais, c'était avant que tout ne commence. Avant cette alliance, avant que je rencontre ce loup étrange. Les débuts en accord, le rap doit venir du cœur. Que les frères écoutent mes frères quand ils parlent avec le leur. Et j'en place une pour tous ces fournisseurs de chaleur. Quand ça sort de leurs entrailles, ouais, tu peux sentir la sueur. Ouais, je rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Et t'inquiète pour faire, y'a du bon rap par chez nous. Je rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Ouais, t'inquiète mon frère, y'a du bon rap par chez nous. C'est pour mes loups, frère, et ceux qui me suivent depuis l'époque. Escrocs, des morts, casse dans la peau, les premiers tests, micro. Matos de merde, mais la mentalité y était, ouais. Un flot de spies et des textes qui déjà percutaient. J'espère que tu t'es préparé à la tempête, gars. Tu vois, c'est un Maroc, mais il reste toujours un peu de restyle. Je m'en bats les couilles de vos bêtes bagarres. De qui aura le trône le plus vite? Non, c'est plutôt qui a le cerveau le plus vite. En rime, ça charne et les versets s'enchaînent. J'rappe sans charme, j'rappe sans gêne, ouais. Mais surtout, j'rappe sans gêne. J'suis pas un exemplaire, pas là pour soi-disant me plaire. Je n'ai que faire de comment faire pour choper des commentaires. Beaucoup d'MC sans tête qui s'enterrent même des comédiens sans texte. J'sais pas si t'imagines la scène, j'reste pisse quand les trois quarts tu rêves. Ils disent qu'ils ont du style, chez moi on appelle ça du rap, ouais. Ouais, j'rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Ouais, t'inquiète mon frère, y'a du bon rap par chez nous. J'rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Ouais, t'inquiète mon frère, y'a du bon rap par chez nous. Ouais, je rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Ouais, t'inquiète mon frère, y'a du bon rap par chez nous. Je rappe pour mes loups, par amour et pas sans fou. Ancré dans le move, pouvez garder tous vos sous. Ouais, j'ai une grande gueule, hein, et voici le coup. Ouais, t'inquiète mon frère, y'a du bon rap par chez nous. Je crois qu'elle choisit ses victimes. Quoi? La bête. Elle ne tue que les gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu tous les cadavres et il n'y a que des voleurs, des escrocs. Alors tu prétends que ce loup-garou fait la différence entre un mécréant et un croyant, et qu'il choisit ses victimes en fonction de ça? On sait qu'il est intelligent. Il ne choisit pas ses silos au hasard. On a besoin de...